Un jardin était attenant à la prison. On y avait dressé l'échafaud. Une brèche avait été faite au mur pour que le condamné passât. À 8 heures du matin, la foule encombrant les rues voisines, 200 spectateurs, entre guillemets privilégiés, étant dans le jardin, l'homme apparut à la brèche. Il avait le front haut et le pas ferme. Il était pâle. Le cercle rouge de l'insomnie entourait ses yeux. Le mois qui venait de s'écouler l'avait vieilli de 20 années. Cet homme de 30 ans en paraissait 50. Un bonnet de coton blanc profondément enfoncé sur la tête et relevé sur le front, dit un témoin oculaire, vêtu de la redingote brune qu'il portait au débat et chaussé de vieilles pantoufles, il a fait le tour d'une partie du jardin dans une allée sablée exprès. Les bordiers, le shérif, le lieutenant-shérif, le procureur de la reine, le greffier et le sergent de la reine l'entouraient. Il avait les mains liées. Mal, comme vous allez voir. Pourtant, selon l'usage anglais, pendant que les mains étaient croisées par les liens sur la poitrine, une corde rattachait les coudes derrière le dos. Il marchait, l'œil fixé sur le gibet. Tout en marchant, il disait à voix haute: Ah, mes pauvres enfants! À côté de lui, le chapelain Bouverie, qui avait refusé de signer la demande en grâce, pleurait. L'allée sablée menait à l'échelle. Le nœud pendait. Tapner a monté. Le bourreau tremblait. Les bourreaux d'en bas sont quelquefois émus. Tapner s'est mis lui-même sous le nœud coulant et y a passé son cou. Et, comme il avait les mains peu attachées, voyant que le bourreau, tout égaré, s'y prenait mal, il l'a aidé. Puis, comme s'il eût pressenti ce qui allait suivre, dit le même témoin, il a dit: Liez-moi donc mieux les deux mains. C'est inutile, a répondu le bourreau. Tapner, étant ainsi debout dans le nœud coulant, les pieds sur la trappe, le bourreau a rabattu le bonnet sur son visage, et l'on n'a plus vu de cette face pâle qu'une bouche qui priait. La trappe, prête à s'ouvrir sous lui, avait environ 2 pieds carrés. Après quelques secondes, le temps de se retourner, l'homme des, entre guillemets, hautes œuvres, a pressé le ressort de la trappe. Un trou s'est fait sous le condamné. Il est tombé brusquement. La corde s'est tendue, le corps a tourné, on a cru l'homme mort.